Delphine, suite à une altercation avec le baron, envoie sa femme de chambre pour excuser son absence. Et la comtesse Anastasie arrive trop tard au chevet de son père. « Mon père est mort !» cria la comtesse. « Oh, il est bien mort !» dit Bianchon. « Allons, messieurs, à table !» dit Madame Vauquet. « La soupe va se refroidir !»« Oh !» dit la veuve. « Tant mieux pour lui qu'il soit mort. Il paraît que le pauvre homme avait bien du désagrément en sa vie durant. » Ce fut la seule raison funèbre d'un être qui, pour Eugène, représentait la paternité.